C'est beau, c'est rosé aussi. J'avais l'air content devant mes nuages colorés. Leur forme acérée se détachait pleine de pointes. La façade crépitait des lueurs du crépuscule comme si les briques pétillaient d'étincelles de soleil. C'est rudement mieux, le crépuscule. C'est derrière pas. Tellement bien qu'il ne pensait pas à fermer le volet. Il regardait. C'est bien beau de regarder, de regarder, de regarder. Ich bin nicht mehr glücklich.